Chapitre 6. Nouveaux événements à la baie d'Hudson. Monsieur d'Iberville repartit dès qu'il put pour la baie d'Hudson en l'année 1691. C'est alors qu'il revint à Québec, à la fin de la saison de 1691, avec deux navires chargés de 80 000 pots de castor et de 6 000 livres de pelleterie. Il avait pu reconnaître qu'il n'avait pas les moyens d'attaquer le fort Nelson, et comme monsieur de Frontenac n'avait pas assez de bâtiments pour l'assister, M. d'Iberville prit le parti d'aller encore en France. C'est dans ce voyage qu'il exposa au ministre l'importance de l'occupation de la baie d'Hudson. Il fut écouté avec faveur, et obtint plusieurs navires dont il reçut le commandement, avec le titre de capitaine de frégate. Revenu dans l'été de 1693 avec ses vaisseaux, dont l'aménagement avait pris un temps considérable, M. de Frontenac lui représenta que la saison était trop avancée, et il le pria d'employer tous ses moyens à la conquête du fort de Pemaquid, que les Anglais étaient venus réoccuper, et d'où ils tenaient les Abénakis en échec. Cette entreprise, décidée trop précipitamment, ne put réussir. D'Iberville, en arrivant en vue de la place, reconnut qu'elle ne pouvait être abordée sûrement. Elle était entourée de récifs et de bas-fonds, que l'on ne pouvait affronter qu'avec un pilote capable et expérimenté. Mais l'on n'en put trouver. Il fallut donc se retirer, et il alla hiverner à Québec. Sur ces entrefaites, Sérigny arriva à Montréal au printemps de 1694 avec l'ordre express du roi de prendre des hommes et de s'en aller avec son frère d'Iberville pour attaquer le fort Nelson. Ils partirent le 10 août 1694 avec trois vaisseaux de guerre, le Polly, la Salamandre et l'Envieux. D'Iberville et Sérigny prirent avec eux leurs deux jeunes frères, Maricourt et Châteauguay. Celui-ci était âgé seulement de 20 ans. Le père Gabriel Marest fut choisi comme chapelain. C'était un digne religieux de la Compagnie de Jésus, qui devait leur rendre les plus grands services. Ce père, d'un zèle infatigable, secondé par la dévotion incomparable du brave d'Iberville, donna à cette expédition un caractère exceptionnel d'édification. On voit quel était l'esprit de cet héroïque combattant de la Nouvelle-France. Nous citerons les traits rapportés dans les lettres du père Marest. C'est intéressant, et cela peint le pays, les gens et l'époque. Le père dit que l'embarquement eut lieu le 10 du mois d'août, etc. Il se mit aussitôt à exercer ses fonctions, que les Canadiens surtout réclamaient avec instance. Le 14, le père, embarqué sur le Polly, distribua, en l'honneur de l'Assomption, des images de la Sainte Vierge, et invita les gens du bord à se confesser. Le lendemain, il célébra la Sainte Messe avec autant de solennité que possible, et plusieurs communières. Ensuite, l'on continua le voyage, qui n'était pas sans difficulté, car, dit le père, nous allions dans un pays où l'hiver vient à l'automne. Le 21 du mois d'août, nous vîmes beaucoup de montagnes de glace flottant sur la mer à l'entrée du détroit de la baie d'Hudson. Il fallait 4 jours pour passer le détroit, qui a 135 lieues de longueur. Du 1er de septembre au 8, le père prépara les gens pour la fête de la Nativité de la Sainte Vierge, et plus de 50 communières le jour de sa fête. Alors, le calme étant arrivé au grand déplaisir des équipages, le père profita de cette circonstance pour suggérer une neuvaine à la bonne Sainte Anne, que les Canadiens honoraient beaucoup, et surtout depuis l'érection d'un sanctuaire spécial près de Québec par M. l'abbé de Quélus, supérieur du séminaire de Montréal. Le vent devint favorable, et l'on continua à avancer. Mais le 12 septembre, le vent ayant encore tourné, les Canadiens firent un vœu en promettant à Sainte-Anne une part dans leur premier butin, et presque tous s'approchèrent des sacrements. Les autres matelots et soldats, voyant le zèle des Canadiens, voulurent les imiter, et ils allèrent à confesse. Le père Marest fait la remarque que M. d'Iberville et les autres officiers se mirent à leur tête. Ce qui est à noter, c'est que le vent reprit aussitôt. 3 jours après, on se trouvait devant la rivière Bourbon. La joie fut grande. On chanta l'hymne Vexilia Regis, Prodeunt, en répétant plusieurs fois « O crux ave ». Nous répétâmes plusieurs fois, dit le père Marest, « O crux ave », pour honorer la croix dans un pays où elle a été souvent profanée et abattue par les hérétiques. près de la rivière Bourbon et la rivière Sainte-Thérèse, où l'on arriva le 24 septembre. Les marins ne manquèrent pas de se mettre sous la protection de cette grande sainte. Comme la mer était houleuse, on allégea le navire en le déchargeant avec les canots des Corses, qui avaient été apportés de Québec, et que les Canadiens, dit le père, manœuvraient avec une adresse admirable. Vers ce temps, le jeune Châteauguay, étant allé à la rencontre des Anglais, fut blessé d'une balle. Aussitôt le père alla l'assister. Il mourut au grand chagrin de ses frères. Le père remarque encore que tous les malheurs qui survenaient n'abattaient pas le courage de M. d'Iberville. Il savait toujours se contenir et ne voulait pas qu'aucun signe d'inquiétude vînt troubler son monde. Il était sans cesse en action, dirigeant tout et pourvoyant à tout. Il montrait une présence d'esprit que rien ne pouvait abattre. Le 11 octobre, le chemin pour conduire les canons était praticable. Le 12 et le 13, on plaça les mortiers en batterie et on commença la canonnade. Le 15, jour de Sainte-Thérèse, les Anglais se rendirent. « Nous admirâmes la divine providence, dit le père Marest. Les gens, en pénétrant dans la rivière Sainte-Thérèse, s'étaient mis sous la protection de la Sainte et le jour de la fête, le 15, ils entraient dans le fort. » Comme la saison était avancée, d'Iberville décida de rester jusqu'au printemps. En attendant, le père Marest, tout en prenant soin de la garnison, s'occupa des sauvages. Il les plaignait et gémissait en voyant leur ignorance de la vérité et leur entraînement au mal. Il les accueillait au fort avec toute bonté, et il allait au plus loin les rejoindre. À force d'étudier, il en vint bientôt à comprendre plusieurs dialectes indiens. « Il est impossible, nous dit M. Bacqueville de la poterie, d'énumérer les actes de zèle et de dévouement du père. Il allait au loin, marchant jour et nuit, se contentant de la nourriture des sauvages. Rien ne pouvait le rebuter. » En même temps, dans ses excursions, il prenait connaissance du pays et de ses ressources. Il nous dit qu'à l'automne et au printemps, on voit des multitudes prodigieuses d'oies et d'outardes, de perdrix et de canards. Il y a des jours où les caribous passent par centaines et par milliers, suivant le témoignage de M. de Sérigny, qui allait souvent à la chasse. M. d'Iberville, après avoir hiverné au fort, laissa son frère de Maricourt commandant de la place, avec le sieur de la forêt pour lieutenant. Et il revint en France avec deux navires chargés de pelleterie. Il arriva à La Rochelle le 9 octobre 1697, et il se mit aussitôt en devoir de préparer une nouvelle expédition. On pense que c'est dans cet intervalle que le chevalier d'Iberville vint à Versailles pour exposer ses vues au ministre du roi, M. de Pontchartrain.